Bonjour, monsieur l'épicier. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous désirez? Ce que je désire, je voudrais du fromage de Hollande. Du fromage de où? De Hollande. Écoutez, monsieur, nous sommes dans une épicerie ici. Crèmerie. Nous sommes dans le département du Cantal, au milieu de la France. Nous, on a une chose qui nous sauve en France, c'est pas la diplomatie internationale, c'est le fromage. Nous avons 287 sortes de fromage, que ce soit du camembert, du brie, du Saint-Nectaire, du gorgonzola, des petits suisses, des tutti quanti, sans compter le reblochon. Et vous voulez du fromage de... Du fromage de Hollande. Écoutez, monsieur, moi je suis français et je suis pas chauvin. Hein. Les Français ne sont pas chauvins. On l'a encore prouvé au jeu de Grenoble. Monsieur, vous êtes rentré dans une épicerie, vous voulez du fromage de Hollande. Moi, je vous donnais du fromage français. Vous allez l'amener chez vous, monsieur, ce fromage. Vous allez l'essayer. Et s'il ne vous plaît pas, vous me le ramènerez. Ça va? Ben, ça va. Vous êtes nerveux, vous, hein? Mais je suis pas nerveux. Avec ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Je voudrais de la morue d'Écosse. Alors, nous, en France, on a des marins bretons qui vont chercher en Islande la morue française. Vous voulez de la morue de où? De la morue d'Écosse. Monsieur, voilà, je vous donne de la morue, ça. C'est de la morue française. Et je suis pas chauvin. Vous l'amenez chez vous, vous l'essayez, et si ça vous plaît pas, vous me la ramenez, ça va? Ça va. Et avec ça, qu'est-ce qu'il vous faut? J'aurais de la sardine du Portugal. Vous voulez pas du couscous canadien, non? Ou de la choucroute mexicaine? Écoutez, monsieur, je vous donnais de la sardine française. Rien vaut le français, et je suis pas chauvin. Hein. Voilà de la sardine française, monsieur. Vous l'amenez chez vous. Vous l'essayez, et si elle vous plaît pas, vous me la ramenez, ça va? Bon, faut pas vous énerver comme ça. Oh, ben dites donc. Ouais, il y avait 6 mois que je suis dans le pays, j'avais fait la connaissance de votre sœur, qui était charmante d'ailleurs. Je voulais me marier avec, mais si elle a le même caractère que vous, si elle est impulsif comme vous l'êtes, je crois que je vais choisir plutôt une femme italienne. Ou une italienne, vous critiquez ma sœur. Yo, yo, viens ici. Yo, yo, viens ici. Regardez ma soeur, elle est jolie. Tais-toi. Ouvre la bouche, regardez-moi, c'est joli. Tais-toi, avant ça. Ouvre la bouche, regarde. C'est mignon. Regarde, tourne-toi un peu. C'est bien simple. Écoutez, foutez-moi la paix, monsieur. C'est bien simple. Prenez ma soeur. Amenez-la chez vous. Vous l'essayez. Et si elle ne vous plaît pas, vous me la ramenez, ça va?